t'as entendu? Oh, qu'est-ce que t'as encore, toi? Bah t'as pas entendu le cri? Quel cri? Non, j'ai rien entendu, j'étais avec le central. Mais pourquoi ça venait d'où ton bruit? Alors t'as entendu là? Oh c'est eux! C'est eux! Je te dis que c'est eux! Oh putain, mais qu'est-ce qu'on fout, merde! Il faut du renfort! Il faut qu'on appelle du monde!